C'est Bouddha. Ton char. 89-1-1-1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On vous présente une édition classique de Vidon dans la question, les horreurs de Noël. On reçoit Eric Granger, l'arbitre de la Lime. Et ça commence tout de suite à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission du retour. Et c'est aujourd'hui la toute dernière émission de l'année 2009 pour nous, Mathieu. Oui, Kiwan, elle est remplie, cette émission-là, de tellement de choses que ça rentrera sûrement même pas. On va s'arranger pour que ça rentre, on va faire ce qu'il faut. Comme tu disais, beaucoup de choses aujourd'hui. On va entre autres vous passer un spécial de Noël, le Vidon-là dont la question. Oui, un très très long bout d'émission classique de VDQ. C'est pratiquement une émission complète de Vidon-là dont la question dans l'émission. Ça va être très très bon, une émission dans une émission à l'intérieur d'une programmation de C'est fou, ça va être génial. On va aussi recevoir Eric Granger, arbitre de la Ligue d'improvisation musicale, qui va venir nous parler un peu des derniers matchs et du match de ce soir qui a lieu ici à la Chasse-Galerie. Oui, on va bien sûr écouter plein de musique de Noël, entre autres. Hein? Oui, on va essayer de sortir de la musique de Noël sans faire vraiment un spécial musique de Noël, juste sortir comme ça quelques trucs qui sont quand même bons, qui valent la peine d'être écoutés, parce que souvent, là, la musique de Noël, c'est lourd, c'est pénible, ouais. On n'a pas vraiment envie de se taper ça, mais il y a quand même des trucs qui valent la peine. On va s'en taper un petit peu aujourd'hui. On se met dans l'ambiance parce qu'on s'en va en vacances, puis ça va être Noël, donc tout le monde va être bien heureux de ça. J'en suis sûr. Aussi, on va essayer de compléter un peu l'émission d'hier où on vous passait les meilleures entrevues avec un peu ce qu'on n'a pas eu le temps de passer hier, une prestation live qu'il y avait eu ici de Martin Priorité avec une chanson très drôle. On va vous en passer un extrait dans l'émission aujourd'hui. Et tant qu'à compléter des affaires, on va aussi compléter un petit peu l'émission C'était fou en 2009. On vous a passé la rétrospective des palmarès de C'est fou. Il y a quelques pièces qu'on aurait aimé jouer là-dedans. Et on va vous les compléter tout de suite parce qu'elles n'ont pas joué dans C'était fou en 2009. Donc, tout à l'heure, on va entendre du Au Bijou. Cette formation-là, Au Bijou, est en position numéro 42 du palmarès anglophone avec Black Ice. Ils vont jouer tantôt. Mais on commence avec The Decemberists. Ils sont en 34e position du palmarès anglophone. Voici Won't Want for Love. Assemblage requis au 89.1 FM. Besoin d'amour. Won't Want for Love comme besoin d'amour. C'est comme Pia Lepage, puis c'est un petit peu comme ça qu'il parle. T'as besoin d'amour? Non. OK. Il y a un talk show à TQS dans le temps, Besoin d'amour. Besoin d'amour! Ouais, ben oui. Les références, c'est lui. Bijoux et la pièce Black Eyes qui est en 42e position du palmarès de l'année au complet du côté anglophone. Et avant ça, on avait entendu la 34e, c'était The Decemberists avec Won't Want For Love. Et aussi, The Decemberists se sont retrouvés dans le top 10 de l'émission Étal Mix, animé par Sébastien Duluth, dans son top 10 des albums de l'année 2009. Et c'était, je crois, la dernière émission d'Étal Mix qu'on a entendue cette semaine. Mais il va quand même avoir un spécial avec Sébastien pendant les fêtes. C'est le 27 décembre, ici, l'émission de performance live, le 27 décembre, organisée par le HIC. Exact, et il y a une publicité qui roule en ondes, donc écoutez-la et allez voir sur le cif.ca très bientôt, il va y avoir des informations sur ce super Boxing Day du HIC. Et soyez là le 27 décembre. Ici. True that, true that. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. On saute du coq à l'âne aujourd'hui. Hein. Là, on a joué dans le top 50 anglo. On va passer à de la musique de Noël un peu, là, pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Il faut faire ça une fois de temps en temps parce que ça vient pas tout seul, ça, cette ambiance-là. Ouais, c'est comme un mal nécessaire. Là. Moi, je dois t'avouer, je suis vraiment pas un fan là, de musique de Noël. Puis même, généralement, là, même les albums repris de façon alternative ou metal ou punk, même là, tu sais, je trouve que j'ai de la misère. Là, ça reste toujours la musique de Noël, des tunes qu'on reconnaît, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère, mais quand même, on va en écouter un peu parce qu'il y a quand même des pièces qui sont bien faites. On va écouter entre autres une pièce, on va écouter Little Drummer Boy, refait par The Dandy Warhols. Ouais. Et aussi un jeune futur classique de Noël que tout le monde, dont tout le monde n'arrête pas de parler, l'album Départ dans la neige de Maryse Letarte, qui sont des chansons de Noël, en fait, inédites. Donc, c'est pas des chansons de Noël que vous connaissez. C'est pas dans le répertoire, là. Exact. C'est des pièces qu'elle a composées, mais qui font quand même référence à Noël, à l'hiver, à l'enfance, à tout plein de thèmes de Noël. C'est pas mal mieux, je trouve. Et oui, vraiment. J'avoue là, que c'est vraiment très, très bon. J'ai pas écouté l'album au complet. Il y a quelques pièces sur son MySpace qu'on a écouté un peu. Et j'avoue que c'est vraiment très bon. Je trouve que moi, pour moi, puis même c'est ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde dit de cet album-là, là, pour les gens comme moi qui n'aiment pas justement, là, qui sont des anti-albums de Noël. Et anti-religion pour certains. Anti-Noël, ouais. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment le meilleur album de Noël, sur moi, pour ceux qui n'aiment pas les albums de Noël. Et tu me disais que la raison que tout le monde en parle en ce moment, c'est qu'il ressort sur vinyle. Oui, c'est ça. C'est un album qui est sorti l'année dernière. Ouais. Et là, cette année, il ressort en vinyle. Et quand vous achetez le vinyle, vous pouvez télécharger en même temps là, les MP3 gratuitement. En tout cas, c'est ça. C'est l'album, dans le fond, a sûrement été réédité là, en format CD parce qu'à chaque hiver... Ben, en fait, c'est le deuxième, là, mais je pense que ça va connaître du succès là, à chaque Noël. Il en avait vendu vraiment beaucoup là, l'année dernière à sa première année de sortie. Puis moi, je pense que ça va devenir éventuellement un classique de Noël. Ça se vend comme des tartes chaudes, ça? on commence avec The Dandy Warhols. Voici Little Drummer Boy, c'est sur la compilation Alternative Rock Xmas. Et je retire mes paroles. Ça va comme des tartes chaudes. Des petits pains chauds, des petits gâteaux. Tiens, c'est bon. À Noël. T'sais. C'est pas une farce. C'est pas une farce. Comment? Des blagues culinaires de Noël. Ah, vraiment, le Ricardo. We'll be right back. C'est vrai que c'est excellent. Vraiment, une petite pièce bilingue de Maryse Le Tarte ou The Tarte, comme je me suis mis à l'appeler. Ouais, la pièce s'appelle Boom Boom. Et puis, tu sais, dans le fond, il n'y a rien de différent d'une pièce de Noël traditionnelle qui serait reprise avec ce ton-là, avec ce style de musique-là, parce que ça pourrait très bien se faire, tu sais, un petit son comme ça, indie pop. On pourrait reprendre n'importe quelle pièce, mais vraiment, c'est super psychologique. Mais juste le fait de pas connaître la pièce, pas connaître les paroles, puis l'air, tout ça, ça change complètement, complètement. Sinon, ça reste, tu sais, le même thème, Noël. Oui, ça parle d'année bénie. C'est ça, oui. Mais j'adore ça, le style est super bon. Maryse Le Tarte, beau travail de sa part. Vous êtes à l'Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et de Mathieu jusqu'à 17h. Aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on passe vraiment du coq à l'âne. On a joué de la musique de Noël. On vient d'en jouer. On a joué du top 50 de l'année 2009 anglophone tantôt. Là, j'ai envie de retourner justement là-dedans, dans ce top 50-là. On va écouter un petit peu de Dee tantôt, une pièce qui date de vraiment très long. Il y a très longtemps, je te dirais, Dee. Est-ce que tu te rappelles de ça, la pièce Hot de Dee? Oui, oui, oui, c'était très bon. Ben oui. Ben, c'est présentement en position numéro 40 du palmarès de l'année. Je savais, je m'en allais dire. Ah, tu fais ton fendant, là. Ouais. C'était numéro 1, devine quand? Ça, je sais que tu réussiras pas à dire ça. Attends, je vais dire à peu près, là, je te dirais aux alentours du mois de mai. Pantoute! Mais ben non, oui, non, non. Où? Où? Non. Mais c'était-tu le mot où comme dans et ou mais? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ou septembre? Non, c'était en janvier. En janvier, bon. Oui, c'est le numéro 1. J'étais vraiment proche. Le numéro 1 de la semaine du 9 janvier. T'étais à peine une demi-année d'avoir raison, je dirais. Ouais. Mais avant ça, on va aller entendre le numéro 48 de Guest Bedroom avec la pièce Planted. Ça, c'était le numéro 3 de Vincan. Au mois de mars. Non, février. 20 février. Non, vraiment. Ouais, non. Tu fais ton smat avec ta feuille dans tes mains. Prends tout, je dis ça de même. Moi, je me rappelle, là, ça, j'étais là. J'ai animé palmarès, c'est fou à ce moment-là. Moi, voyons. C'est vrai. Est-ce que tu remets en question mon habileté? Ben non. Bon. Donc, voici The Guest Bedroom et Planted. Assemblage de qui? Au 89 FM. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Avec Hot, ça c'est une des pièces qui a le plus joué au palmarès de C'est fou pendant l'année 2009 du côté anglophone. Ouais, et on parle de la 40e. C'est ça, c'était dans le top 50, tout comme Planted de Guest Bedroom qu'on a entendu juste avant. Et si vous voulez entendre la compilation de tout ça, mais pas jusqu'à 50. Là. C'est quoi? C'est les 25 premières positions des deux côtés, franco-anglo ouais. environ. Dans c'est quoi là? Ça va être diffusé demain, en fait, vendredi le 18 décembre. Demain. C'est juste demain. C'est ça. Soir. Demain soir. 7h à 21h, case horaire particulièrement longue parce qu'il n'y aura pas de lutin de l'enfer demain. OK, donc vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Tu sais quoi, Kiwan? Quoi donc? J'ai envie d'aller entendre une pièce un petit peu plus récente parce qu'on nage dans le passé depuis le début de la semaine. Et du tout, Arch Traffic, ça fait vraiment le travail pour me remettre dans le présent, dans le maintenant, dans le là. C'est bon, arrête de vivre dans le passé, Mathieu. C'est ça. Pas bon. Tout Arch Traffic, Noisemaker, à Assemblage Requis. Au 89 FM. Building a a tired refrain. Noisemaker, noisemaker. But it's all right. let me be. I know what I am, they know what they are, so let me be. I know what I am, they know what they are, so let me be. Un bloc un petit peu plus récent à Assemblage Requis, hein, nous qui pataugeons dans le passé et dans l'année 2009 depuis un petit bout, là, on s'est gâté avec de la musique un petit peu plus récente. Ça, c'était Band of Scars avec I Know What I Am. C'est sur le palmarès anglophone en ce moment même, mais ça le sera sûrement en janvier parce que les palmarès réguliers seront de retour la semaine du 4 janvier avec entre autres du Band of Scars dedans. Oui, juste avant ça, on a entendu Polype avec la pièce Presse Citron, et ça se pourrait aussi que Polype fasse son apparition dans les palmarès l'année prochaine, en 2009, parce qu'en 2010 plutôt, on n'en a pas eu encore pour la simple et bonne raison qu'on vient juste de recevoir l'album de Polype, même si ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti. Donc, ça commence tout juste à jouer ici à C'est Fou, même si ça fait déjà là, un petit bout que l'album existe, mais c'est sûr que étant donné que ça joue, ça devrait apparaître dans les palmarès un jour. Et justement, parlant de Polyp qui sont venus en entrevue il y a quelques jours, presque quelques semaines ici. T'es mauvais avec les distances de temps, je trouve. Près de, non, c'est parce que tu sais, j'ai manqué une semaine. Ouais. Là, pour moi, c'est comme hier. Quelques émissions, c'est ça. Mais c'était en fait, ce matin, finalement. J'ai vraiment sauté un petit bout là dans ma tête. Ça, il manque un bout. Là. En tout cas, ça fait quoi, 2-3 semaines que Polyp sont venus. On n'a pas mis l'entrevue dans les meilleures entrevues hier, étant donné que c'est justement tellement récent. Mais il y a quelque chose qu'on aurait voulu passer hier. On a manqué un peu de temps quand on faisait la rétrospective des meilleures entrevues réalisées par un de nous deux ou de nous deux en 2009. C'est une entrevue qui était quand même assez longue dans sa version originale, une entrevue avec le groupe Martin Priorité. Qui a déjà eu une ou deux pièces sur le palmarès ici. Et le gars, il était venu ici pour nous parler, je pense, d'un spectacle. Oui, et d'ailleurs, on les a joués dans l'émission C'était fou en 2009, tantôt. Ils sont dans les pièces les plus jouées de l'année, Martin. Oui, c'est ça, justement. Ils ont vraiment une pièce qui est dans le top 25 franco de l'année. Et on n'a pas pris toute l'entrevue au complet, mais on a quand même sélectionné une petite partie qui était intéressante dans l'entrevue. C'est une pièce qu'ils ont fait live comme ça ici en studio. Et c'est une pièce qui s'adresse à Marimé. En fait, c'est le chanteur Martin Poirier qui enfin adresse au grand jour comme ça son amour à Marimé. Et ça vient de l'édition du 15 mai 2009 des Palmarès, c'est fou. Donc, on pourrait peut-être y aller maintenant avec une petite performance acoustique que tu vas nous faire, Martin. Ouais, génial. En fait, j'ai préparé une petite chanson. Ouais. Parce que, sans vouloir l'avouer vraiment, je suis en amour avec une personne qui s'appelle Marimé. Marimé Bouchard. Exactement. C'est, hein? c'est en fait, la Marimé. La Marimé avec un L majuscule et Marimé avec un M majuscule aussi. D'ailleurs, Marimé majuscule. Qui était à Trois-Rivières, je crois, la semaine dernière pour le 375e. On a raté ça. On est comme une semaine en fait, nous aussi, on l'a raté. Là, mais on aimerait ça qu'on y fasse parvenir, en fait, ces chansons-là. Donc, j'espère, Marimé, que tu nous écoutes. C'est un cri du cœur, finalement. Là. Exactement. Littéralement. Il n'y a pas d'autre mot. OK, vas-y. En attendant le métro, j'ai aperçu ta photo. Tu étais belle, si élégante, avec une robe flamboyante. Et j'imaginais que tu m'embrassais avec un petit rire subtil à me rendre complètement débile. Marimé, Marimé, épouse-moi. Marimé, Marimé, je veux être avec toi. Marchions main dans la main, à se cajoler jusqu'au petit matin. Gravir le Mont-Royal avec toi, ce n'est point banal. Petit souper à l'horizon, c'est en unicycle que nous y allons. Après seulement un verre de rouge, ton sourire m'a dragué et tout bouge. Marimé, Marimé, épouse-moi. Ah, ah, ah, Marimé, Marimé, je veux être avec toi. Devant le parquet de ta porte, c'est dans mes bras que je t'emporte. Et je te borde délicatement, et je te coiffe soigneusement. Juste avant de déquerpir, je te regarde un peu dormir. Mais le métro est arrivé, et mon rêve s'est envolé. Marimé, Marimé, épouse-moi. Ah, ah, ah. Marie-Mé, épouse-moi. Marie-Mé, Marie-Mé, je veux être avec toi pour le restant de ma vie. Hey, wow, c'est touchant, hein? Je pense que le message est passé. Ouais, j'espère. Ben en tout cas, s'il n'est pas séduite, s'il pas séduite par ça, vraiment, là, je vois pas qu'est-ce qu'il peut. Je vais juste essuyer mes larmes. Puis, ouais, on va te laisser quelques secondes. Ouais, okay, une étape de plus vers le but. C'est l'extrait d'entrevue avec Martin Priorité qui avait lieu dans les studios de C'est fou, ça. Au palmarès C'est fou, on parle du 15 mai dernier. Ah, quelle mise de trip sur la table, vraiment, là. Vraiment, là, moi, j'étais touché. On a vécu des moments de confidence, quand même, cette année dans l'émission. On aurait pu avoir Jeannette Bertrand en studio, ça aurait pas été plus émouvant. Non, vraiment pas. Donc, si vous voulez entendre l'entrevue au grand complet, rendez-vous sur assemblagerequis.com. Il y a un lien directement vers la balado-diffusion avec Martin Priorité. D'autres entrevues qui ont eu Assez Fou sont évidemment dans la section balado-diffusion du www.cfou.ca. Cfou.ca. Tout à fait. Kiwan? Oui. On est toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Est-ce que tu me fais confiance, tu sais que c'est ça? Oui, ça, j'en doute pas, absolument pas. C'est vrai. Et on reçoit Éric Granger, qui est l'arbitre des matchs de la Ligue d'improvisation musicale. Il y a un match ce soir. Oui, effectivement, messieurs, merci de m'avoir reçu. Ben, merci de venir nous voir. Ben, c'est le troisième jeudi du mois, comme à chaque mois. Donc, c'est l'impro musicale à la Chasse-Galerie à 21h. Tous les troisièmes jeudis du mois. On est le 17 décembre aujourd'hui. C'est le troisième match de la saison régulière. Donc, qui va opposer les Bleus aux Bruns. Donc, il y a eu un match la semaine passée qui était pas mal intéressant. Je sais que je suis pas venu à ce, ça dit pas la semaine passée, mais le mois passé. Je ne suis pas venu faire ma chronique, malheureusement, j'ai eu un imprévu. Mais on l'a mentionné quand même, je peux te dire, juste pour que tu sois heureux. Ah ouais, excellent, j'ai pas pu écouter ça, malheureusement. Ouais. Mais ouais, c'est ça, donc c'était le match des Bleus contre les Blancs le mois passé. Donc les Blancs, une nouvelle équipe qui est formée de nouveaux joueurs, dont j'ai parlé d'ailleurs en arrière chronique. Dont Sébastien Dulude, qui a eu la deuxième étoile de ce match. Oui, la première étoile, comme d'habitude, est allée sur notre cher joueur vedette de la Ligue. Oui, c'est un de nos chroniqueurs ici à Assemblage Requis. D'ailleurs, Sébastien Dulude, il fait sa chronique culturelle les mercredis. Ah oui, il y a aussi l'émission Étalmix, oui. Si je ne me trompe pas. Et son émission spéciale, le Hic Boxing Day, ça se passe le dimanche 27 décembre. Oui, je crois avoir reçu l'invitation Facebook. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, le dernier match excitant, les Bleus ont remporté la victoire 8-5 contre les Bruns. Un match âprement disputé. Les Bruns qui nous ont montré un meilleur déploiement de leur talent que l'année passée. C'était bien intéressant. C'est-à-dire les Blancs, c'est-à-dire. Sauf que, évidemment, les Bleus ont remporté encore une fois la première étoile à M. Sylvain de Carifel, la grande vedette des Bleus, le guitariste et vocaliste. Rockstar. Ah oui, Rockstar. On le connaît par son talent. Donc, évidemment, aussi, j'ai appris que, avant de parler du prochain match qui s'en vient, je sais pas si vous l'avez déjà annoncé, mais il y a une émission assez fou ici. C'est-à-dire, tous les premiers dimanches du mois, à ce que je sache, diffuser un match. À partir de 2010. À partir de 2010. Oui. Si je comprends bien, c'est à partir de 2010. Je crois pas que le match, là, va être diffusé. OK. Donc, le prochain, celui-là, il sera pas diffusé. OK. Bah, j'ai vu ça sur la programmation. Donc, peut-être que celui-là va être diffusé en 2010. Janvier. OK. Au mois de, parce que j'ai vu le 7 janvier. Ça s'en vient. C'est intéressant. C'est un peu le message à dire. Ça s'en vient à un moment donné, tu sais. Je sais que nous, on enregistre tout. Oui. Depuis le début de la saison. C'est bien d'avoir les archivages aussi des matchs, là. C'est cool, ça. Donc, c'est ça. On va faire des capsules vidéo aussi avec ça, puis on enregistre tout. Donc, aussi, les matchs vont être en entier montés. Là, on enlève le surplus. Les silences, c'est sûr, en fait, tout ce qu'il y a de trop. Et puis, ça va être difficile à vous. Ça risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner moi-même. Moi aussi, j'ai hâte d'entendre ça, d'écouter ça, les matchs de la Lime. Ouais, sa chance-là, j'imagine qu'on va peut-être changer notre façon d'animer les choses ou peut-être essayer de interpeller le public de C'est fou une fois de temps en temps ou essayer du moins leur les saluer durant la soirée. OK, donc, donc c'est intéressant. Ça va être, c'est ça, le premier dimanche du mois, je crois, à partir du 2010. Bon, ça va être intéressant. C'est le dimanche, hein? C'est ça, c'est à quelque chose comme à midi ou en après-midi. Heures, ouais, quelque chose comme ça. C'est rempli de faits aujourd'hui, vraiment. Ouais. On va consulter le site de C'est fou. Exactement. Tout est là. Donc c'était un excellent match la semaine passée. On a eu le droit vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Ça va vraiment une excellente saison. Et les Bleus reviennent cette semaine. Ça va être leur deuxième match de chute. Et ils vont jouer contre les Bruns, qui ont aussi gagné leur premier match, ou tout premier match de la saison. Donc les Bruns et les Bleus, les deux ceux qui ont une seule victoire cette saison, vont s'affronter. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à départager les premières et les dernières places, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs à la saison. Il y a seulement 6 matchs qui vont déterminer le classement, évidemment. Donc, 3 matchs par équipe. Et le prochain match ce soir, les Bleus et contre les Bruns. Les Bruns, semble-t-il, auront des nouveaux joueurs, des remplaçants, à ce que j'ai su comme ça entre les branches, parce que les équipes sont pas complètement confirmées, étant donné que c'est le temps des fêtes. Ouais. Et que tout le monde est occupé. Je sais que, bon, normalement, le match du temps des fêtes, il y a un petit peu moins de monde, parce que les gens sont occupés, les étudiants font leur fin de session, tout ça. Mais je vous conseille de venir au moins voir la première période qui devrait se terminer quelque chose avant 11h. Donc, ça vaut la peine de venir voir ça. Et ça va être tout un match. On a terminé l'écriture des improvisations hier et on est pas mal satisfait. On croit que ça va donner quelque chose d'assez solide. Moi et Carl Hébert, on fait ça. Mon collègue Carl, des Mimi Vanoglo, qui est aussi animateur. Pendant la soirée. C'est un animateur combattant avec Mathieu Point aussi, d'ailleurs. Donc, c'est ça, un match de ce soir que je vous conseille de venir voir. D'ailleurs, vous deux, vous n'êtes toujours pas venus. Non, je sais, on est nuls. On est je crois que ça va être le running gag. Je vois que je vais venir. Ouais. Mais on a plein de résolutions pour 2010, Kiwan et moi. Là, on va se mettre sur la palmarès électronique. On va aller à tous les matchs de Ligue d'impro musicale. On va être à tous les événements. On va être vraiment tight en 2010, hein, c'est ça? Au moins, vous pourriez en parler, en discuter avec moi, peut-être faire vous-même une petite impression de ce que vous avez vu. Ah oui. Ça serait intéressant d'en discuter. C'est vrai, ça, une vue impartiale et non biaisée de l'anime. Exact. Parce qu'évidemment, moi, je suis l'arbitre, donc... C'est ça. Tout est beau et tout est bon. Non, c'est le contraire. Ils sont toujours mauvais. Ils sont vraiment à mon goût. Me semble. Mais non, ils sont très bons, ils sont excellents. D'ailleurs, le dernier match, je n'ai décerné aucune pénalité, donc... il n'y avait rien à dire. C'est tout les à gens fait sont impeccable. Ouais, c'est tout à fait impeccable. Donc, on va voir ce soir parce que les Bruns sont une équipe un petit peu plus bouffonne avec des joueurs un petit peu plus indisciplinés. C'est comme l'équipe sympathique de la Ligue. Je l'appelle affectueusement mon équipe des campagnards. Les Pecnos avec Simon Adams, le capitaine, le campagnard en tête. Là, avec c'est tous les joueurs sont assez, mettons, sans dire des hippies, là. Il y a pas les frères Lemay qui jouent dans cette équipe-là? En fait, il y en a un des deux qui joue. Cette année, il n'est pas là. Ils se changent les joueurs. Là. Il y a une rotation dans les joueurs. Mais effectivement, ils ont joué l'année passée, les frères Lemay. En fait, il y a un joueur des Lemay qui se posait jouer dans les Bleus et un dans les Bruns. Okay. Ah ouais, ils vont s'affronter de même, les frères. Ouais, mais là, on ne sait pas. Ça dépend. Je n'ai pas encore confirmé. Normalement, je sais que la dernière fois, Daniel Lemay était pas là chez les Bleus, donc on ne sait pas s'il va être là ce soir. Rien n'a été confirmé en soir. Mais le trio, c'est-à-dire le noyau des Bleus est toujours là, c'est-à-dire Sébastien Salcetti, le capitaine, Sylvain de Carifel et David Robert à la batterie. Un noyau très solide. Ce noyau-là domine la Ligue depuis au moins 3 ans. C'est à ne pas cracher. Donc, c'est un rendez-vous pour ce soir, les copains. Un noyau qu'on crache. Un noyau qu'on crache. Ouais, on laisse faire les commentaires là-dessus. Ouais. Disons que c'est pour ça que je suis pas dans aucune improvisation musicale ou non. Parce que j'ai pas de talent d'improvisateur, t'sais. Ouais, musicale ou autre, là, toute forme d'improvisation. C'est ça, n'importe quoi. Donc, on va surveiller ça. Donc, en plus, c'est pas encore commencé les diffusions radiophoniques. Donc, ce soir, si on veut voir ça, il faut absolument se rendre à la Chasse-Galerie. Ouais, exact. Puis en plus, après, ça, vous pourriez l'écouter, qui sait, le mois prochain, le dimanche, voir qu'est-ce que ça donne. Mais moi, en tout cas, je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. On va tenir au courant nos auditeurs par rapport à la date de commencement de ces matchs-là. Écoutez Assemblage Rocky pour le savoir. Pendant ce temps-là, nous, on remercie Éric Granger, qui est l'arbitre. Ah, c'est moi qui vous remercie. Et on se revoit le mois prochain, peut-être? Ouais, je serai là. Le mois prochain, nous autres aussi, on va essayer d'y aller. Là. Moi, en tout cas, le mois prochain. OK. Je mets ça à mon agenda tout de suite. OK. Si tu y vas, j'y vas. C'est ça. Bon. Pas game d'y aller. On a tout le temps de quoi ces jeudis-là? C'est fatigant. Ouais, moi, je travaille ce soir, pour vrai, je travaille. Ouais, ouais. Mais, écoutez, les gars, si je vous offre une passe VIP, les deux, là. Ah, même là. Avec accès coulisses et tout, là. Je vous donne même une rencontre avec la DJ, si vous voulez. La raclette aussi. La raclette, c'est le fun. On verra pour les consommations gratuites, mais le reste, on verra. On va laisser monter les enchères. Ouais. On verra, quand ce sera assez haut, on dira « Oui, on y va, on n'a rien finalement. » Bon, non, sans blague, aussitôt qu'on peut, on y va. La ligne d'improvisation musicale, on rappelle le match, c'est ce soir à la Chasse-Galerie, heure de début du match. À 9h, les portes ouvrent à 9h, évidemment, ça, le temps que les musiciens s'installent, qu'on fasse les tests de son. 9h30, 10h, là, ça va être commencé. Étant donné, je crois qu'il n'y a pas de hockey ce soir, donc s'il n'y a pas de hockey, on commence plus tôt. Et la chasse est ouverte avant ça, donc venez boire un peu, tu sais, puis venez vous amuser. Effectivement. Bon. Merci Éric Granger. Merci. Merci à vous. À la prochaine. Bon mois. Merci toi aussi. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Oui, et c'est déjà la fin de la première heure de l'émission. Oui, on se retrouve avec une deuxième. Et dans la deuxième heure, ce qu'il y a de spécial, Kiwan, c'est une émission complète de Noël de la part des gars de Vidon, là, dont la question. Donc aujourd'hui, pas juste une capsule, là. Capsule, c'est de la petite bière, tu sais. Donc on va vraiment passer l'émission au complet, un spécial qui va durer une 20-25 minutes environ. Donc la deuxième heure va être presque entièrement consacrée à Vidon là dans la question, mais on va quand même être là. Il va y avoir aussi de la musique encore à venir dans un peu dans notre rétrospective Noël 2009. Voilà. Ça c'était une très mauvaise manipulation. Reste avec nous. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Danny Janvier du Dîner de Con qui vient d'arriver en studio comme ça, comme un cheveu sur une quille dans un jeu de soupe. Ben oui, le con en chef qui est là. Salut, con in chief. Salut vous autres, je suis venu vous dire joyeux Noël, puis bonne année, puis toute la quête. Ah, toi aussi, tu t'en vas pour la fin de semaine, et pour la semaine, et pour le congé des fêtes, et oui. Tout, toi, aujourd'hui, un chanceux. Deux petites semaines de congé là, qui vont faire du bien. Ah, ça va être délicieux. Qu'est-ce que tu prévois pendant les fêtes, toi, dis donc? Repos. Ouais. Et manger. Boire. Tout en même temps. Gros. Ouais. Ben, toi, tout en même temps, mais aussi un après l'autre. Ah. En assemblage détaché. Ah, Colin, il commence à comprendre le principe ben oui, d'émission. Exact. Le Dîner de Con qui va être de retour le 4 janvier en même temps qu'Assemblage Rookie. On va essayer. On va essayer. Je passe de très belles fêtes, Danny. Mais en tout cas, je ne pouvais pas quitter sans venir vous dire salut à vous deux. Salut, merci, Kiwan. Salut, gentil. Mathieu. Merci. Je vous aime bien. Puis à plus. On t'aime. Nous aussi, on t'aime, Danny. Vraiment. Bye bye. Merci pour votre beau travail, les gars. Ah, t'es fin. Hey, tu sais-tu quoi? En plus, là, tu vas pouvoir t'en aller chez vous en écoutant une émission classique de Vidon, Ladon, La Question, Danny. Je sais que t'es aime. Je vais en profiter. Voici leur spécial Horreur de Noël, diffusion originale décembre 2007. Bye, Danny. Vidon, Ladon, La Question. Bonjour tout le monde, bienvenue à Vidon Ladon la question. Ici Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault pour vous livrer un spécial horreur en ce temps des fêtes qui approche. Hey, c'était supposé d'être moi qui le disais, puis là tu l'as dit à ma place. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est Matt. Parce que Luc veut voler le show. Bon, tout le temps. Ah ouais, dis donc tout, là, tant qu'à y être. Tu veux que je dise tout? Dis tout. Dis tout. On a rencontré mardi dernier Charles Beauchesne. Calice. Hein? Tu vois que c'est désagréable? Il vole ma réplique. On a rencontré mardi dernier Charles Beauchesne au Pub Saint-Simon dans le cadre des Mardis de l'humour. On l'a avec nous. Salut Charles. Bonjour mes petits cocos, ça va bien? Ça va très bien, oui. Et Charles, tu vas venir nous faire un beau segment plus tard, là, c'est ça? Oui, donne-moi 10 minutes, mets du gaz dans ma chaîne, ça, puis j'arrive. Charles Beauchesne va venir nous parler de lui. Oui. Parce que c'est un, je dirais, un personnage assez particulier. Particulier, c'est le mot. C'est oui. Le mot. C'est très, très bon. Donc, restez à l'écoute de Vidon Ladon la question. Ne... Spécial Halloween parce que Noël s'en vient. Et voilà. Donc, on passe en chanson et on vous revient tout de suite après avec le début de notre spécial Halloween. Et restez jusqu'à la fin parce que Charles Beauchesne va venir faire des belles faces. Et question de vous plonger dans une ambiance inquiétante, on écoute Rose, c'est la vie du groupe Rose et Noir. Rose, c'est la rose. incendie, la mort lente. Rose braise, rose baise, insolente, la plaie vivante. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Écoute, je me posais la question, qu'est-ce que t'as l'intention de faire si jamais il y en a d'entre nous qui ont besoin, je sais pas moi, de farine? Hein, Meunier? Tu veux pas penser à celle-là? Hein, Meunier? Ça a échappé à ton raisonnement? Hein, Meunier? Et je t'inquiète, Meunier? Et où ta farine, hein? Ça, ça serait pas arrivé si t'avais pas passé ta fin de semaine et bâché sur un sofa à lire des revues de motocross, fumer du pot et manger de la pâte à biscuits! Attends, je veux ma galette de farine! Bonjour. Je m'appelle Charles Beauchesne, et outre m'engueuler avec des comptines, je suis un mégalomane parano-insomniaque avec de violentes sauts d'humeur et une fascination malsaine pour les édifices qui brûlent. Ou comme le disait si bien ma dernière évaluation psychologique, Charles, t'as des calices de problèmes. Une grande partie de mes troubles psychologiques, et là notez bien que j'ai dit une grande partie parce que je commencerai pas à vous expliquer pourquoi je fais un rêve récurrent dans lequel je scie un cheval, me proviennent de l'époque de ma tendre enfance. Ça, c'est des troubles, ma foi, assez compréhensibles compte tenu de ce qui nous passait à la télé à cette époque-là. J'aimerais vous rappeler que Maya l'abeille fox l'école pendant toute la première saison, que Yogi l'ours fait du détournement de mineur avec Boubou, que Tatina Bulle, c'est un trip de mescaline, que Kermit, c'est une tapette, et que le professeur Iris, il est juste weird en tabarnak! Comment tu veux qualifier un chargé de cours dont l'effectif scolaire est constitué d'un oiseau zombie, d'une plante puis d'un piano? Ça commence à effleurer les limites du « what the fuck ». D'ailleurs, le piano du professeur Iris a des mains. Ça, ça veut dire qu'il peut s'auto-jouer. J'en déduis donc qu'à 15 ans, les parents de ce piano-là savaient qu'il se masturbait en se fiant uniquement aux airs de Charleston qui provenaient des toilettes. Mais, un jour, alors que j'étais à la pêche au saumon dans un bol de toilette, je me suis aperçu de quelque chose. C'est pas ma faute si je suis comme ça. C'est la vie qui est débile. Il y a des endroits dans lesquels je peux même plus rentrer tellement il n'y a plus rien qui fait de sens. Exemple, les épiceries. Les épiceries. Je peux plus rentrer dans les épiceries. La dernière fois que je suis allé chez Métro, ils m'ont trouvé deux jours plus tard dans le parking en train de jouer de la flûte de pan tout nu. Hey, le gars, il est tout nu! Les épiceries. C'est comme la zone où le temps, l'espace et la logique ont décidé d'aller prendre un apéro. Résultat, tu te ramasses à huis clos avec des produits disparates à l'utilité douteuse, au concept complètement burlesque, tout ça enveloppé d'un emballage fluo avec un ours en cartoon qui dit qu'il n'y en a jamais assez! Des jujubes en forme de fesses de porc. C'est inadmissible! S'ils étaient faits en forme de fesses de babouin, on aurait des plus gros jujubes. De la crème glacée aux Turtles. Suis-tu tout seul à trouver ça trop complexe pour être mangeable? De la crème glacée au biscuit, au caramel, enveloppée de chocolat au lait en forme de tortue. C'est pas un dessert, c'est un labyrinthe! C'est une mise en abîme de nourriture! Peut contenir des traces de noix. Peut contenir des traces de noix? Peut contenir des traces de noix! Interlude. Vous, compagnies qui sont incapables de nous dire avec précision si oui ou non vos produits contiennent des pinottes, mon message sera bref et concis. Fuck you! Fin de l'interlude. Merci beaucoup, Charles, pour cette belle performance. Nous, on passe en chanson. On va aller écouter le Husky et la toune Zombie. j'ai pas des enfants forts. J'essaie de me faire croire que je suis le plus fort. Mes hommes disent dans le noir, j'ai pas des enfants forts. C'était la première partie des Aurores de Noël, selon Vidon, là dans la question. Une émission classique qui date de décembre 2007. C'est leur spécial Noël, mais horreur de Noël. Donc, pas tellement en rapport avec Noël, mais c'est ce qu'on aime des gars de Vidon, là dans la question. Ils sont tellement absurdes et insolites. Fallait s'attendre un peu là avec un spécial Noël, Vidon, là dans la question. En plus, c'était dit dans le titre, c'est Horreur de Noël. Fallait s'attendre à ce que ce soit pas... très complaisant avec Joyeux Noël et tout ça. Et voilà, mais il va y avoir des références à Noël dans la deuxième partie, donc restez avec nous parce que ça se passe tout à l'heure à Assemblage Requis, parce que je vous rappelle que vous écoutez Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. C'est la dernière émission de la saison et on se gâte avec un petit peu plus de vidéos là-dedans à la question que d'habitude, parce que normalement c'est des capsules et les capsules seront évidemment de retour en janvier. Parce qu'à un moment donné, même s'ils font plus jamais nouveau matériel, mettons qu'on supposerait qu'ils mourraient les deux, tu sais. On continuerait quand même à honorer leur mémoire et passer leur capsule jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à temps que nous, on meurt. Exactement. Soyons pessimistes comme ça. Mais pour l'instant, on va se contenter de la deuxième partie de l'émission qu'on a commencé à écouter là. Là. On va écouter ça un petit peu plus tard dans l'émission, mais en attendant, on va retourner avec un petit bloc de musique de Noël. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Mathieu? Ben en fait, je vous ai préparé le meilleur des disques de Noël, parce que si vous écoutez, c'est fou un petit peu une fois de temps en temps. Il y a des gens, des fois, qui prennent des albums de Noël dans la discothèque, puis ils font jouer, puis des fois, c'est bon. Il y a des affaires qui sont bonnes. On en reçoit beaucoup à chaque année du bon matériel de Noël. Surtout dans une radio alternative comme ça, on reçoit pas les machins Chantal, tout près. On les reçoit, mais on les sac au bac à vidange, tu sais, bac de recyclage, parce qu'on est écologique comme ça. Depuis quelques années, on a reçu plusieurs très, très, très bons albums. Dont en 2007, l'album de Robert Lavoie et son Cat's Cat Band. Vous avez peut-être entendu ça ici sur les ondes de C'est Fou, entre autres au Dîner de Con, parce que c'est Danny qui m'a suggéré ces disques-là. Et en fait, je les avais déjà entendus au poste d'écoute il y a quelques années. Mais disons que je les aime bien, ces affaires-là. Ça vaut la peine d'être rejoué. Et cette semaine, ben, on se concentre là-dessus sur le meilleur de Noël. C'est de même que ça se passe dans le temps des fêtes, bâtons. On va aussi entendre une très courte pièce d'un groupe punk rock français qui s'appelle Zephyr 21. C'est comme Vive le vent, mais en tout cas, c'est rabouté un peu. C'est une très, très courte pièce donc de Noël. Très punk rock. Ça rappelle un peu donc tout ce qui a été fait sur les compilations dans le temps. Noël dans la rue, là, où plein de groupes québécois punk metal faisaient une compilation. C'était quand même cool, ça, cette compilation-là. Tu t'en souviens sûrement, Mathieu. Et on va écouter donc tout de suite Zephyr 21. Ça m'a l'air convaincant. Et tantôt, on va écouter du Murmure de Noël aussi. Il faut absolument qu'on se rappelle de passer du Murmure. Ah oui, il faut pas oublier Dan Foley qui susurre. Vraiment oublier ça. Voici Robert Lavoie. Et cours, Rudolf, cours à l'assemblage requis. Un peu à cause de moi, on vous souhaite un joyeux. Zéphyr 21 et Jean-Noël et bonne année. Jean-Noël et bonne année. Eh bien, parle-moi donc de ça, toi. Qui want Zéphyr 21 du punk. Moi, j'ai bien aimé. Oui, oui, c'est un groupe français, donc punk, qui ont fait cette petite pièce-là. Ils ont mis ça juste sur leur MySpace. Là. Je pense pas que ce soit nulle part ailleurs. Très court, très... droit au but. Je dirais, ouais. MySpace.com/Zéphyr21. Zéphyr avec un Y. PHYR21. Et avant ça, c'était Noël avec Robert Lavoie et le Cat's Cat Band. On a entendu la pièce Court, Rudolf Court. Une de celles que j'aime beaucoup, là, cet album-là de Robert Lavoie et le Cat's Cat Band. Ça date de 2007. Très bon album de Noël qu'on va écouter à chaque année, je pense. Pour le reste de l'éternité, encore une fois, je répète ma phrase de cliché, mais pour toujours. Il y a beaucoup de choses que tu vas faire jusqu'à la fin de l'éternité. Hein. Tu vas être assez occupé d'ici là. Vraiment, là, je suis un gars vraiment baisé, buzz. On revient juste après la pause avec, entre autres, la deuxième partie de l'émission de Vidon Ladon, la question sur les horreurs de Noël. Restez là. C'est fou de la scène émergente. Jusqu'à 17h, assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou 89.1. Vous êtes toujours Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées. J'ai fait comme les gars de Vidéo Ladon dans la première partie du sketch. Je t'ai pilé. Pourquoi? Je t'ai pilé dessus. Je t'ai pilé dessus. Ah. Allez, je parle avant toi. Quel? Non. Ok, je vais reparler parce que c'était trop long, là. J'ai gagné. Ah, oh, Kiwan, tu m'énerves! Donc, t'as gagné en fait le titre de celui qui a le plus de rigueur professionnelle dans l'émission. T'as pas pu endurer un silence plus grand que 8 secondes. Bravo, félicitations. Mathieu. C'est très long, 8 secondes en radio, je trouve. C'est effectivement très, très long. Mais bon, c'est la dernière émission de l'année. On peut se permettre des silences de 8 secondes, je pense. Mais pas plus que un par émission. Tu connais la règle, c'est un silence de 8 secondes par émission. D'accord, 8 secondes maximum ou minimum, là? Mais non, mais c'est un de 8. Ah, exactement, 8 secondes. Ouais, ça, là, si on parle des silences de 10 secondes, là on a droit à un autre par émission. Mais Ah, qu'est-ce qu'on va écouter, Mathieu? On va écouter un de tes choix, parce que moi, je les connais pas tellement que ça, Still Life Still, mais tu les aimes beaucoup et tu en fais jouer souvent. Oui, c'est ça, on fait jouer souvent parce que tu en fais jouer souvent. C'est bizarre que tu dises que tu ne connais pas ça parce qu'on a fait. Ça arrêtera plus. Ah, il reste qu'une demi-heure. Non, mais c'est ça, c'est bizarre que tu dises que tu les connais pas tant parce qu'on en a quand même beaucoup écouté au courant de la session. Ben oui, on fait toujours passer la même. Veux-tu qu'on en essaye une autre? Ben oui, en effet, parce que sérieusement, je suis pas venu l'entendre. Je suis pas plus capable, il est tellement mauvais. Ben vas-y, écoute-en un autre. Bon, écoutez, est-ce que tu veux écouter Hades on TV ou Aid? Aid. Bon, ben allons-y avec Aid de Still Life Still. Assemblage requis. Assemblage requis. Non, j'ai... Non. Au 89 FM. L'émission Assemblage requis. Beaucoup trop longtemps. Des moments inconfortables comme ça, on a-tu un quota là-dessus? On peut-tu le faire plusieurs fois par émission? On aurait pu faire une émission des meilleurs, pires moments de malaise. Je pense qu'il faudrait les noter au fur et à mesure pendant toute la session pour réussir à s'en rappeler. Je pense que ça rentre pas dans 2 heures, anyway. Non. Les pébèches vont suivre, donc à un moment donné, tu sais, tu coupes là. Bon, en tout cas, je suis content qu'on ait écouté une pièce différente de celle d'habitude. J'aime beaucoup Pastel, mais ça fait changement, puis je vois que j'aime ça moi aussi. Ouais, ben en tout cas, si ça t'a pas tant marqué toutes les fois qu'on en a écouté, tu devrais vraiment jeter un coup d'oreille sur cet album-là au cours des prochaines semaines. Profite-donc de ton congé des fêtes. Là. C'est un très, très bon album, celui de Still Lifestyle. Et ça s'écoute bien, il y a juste 3 pièces dessus. Ça, c'est vraiment mon genre d'album. Ça, c'est le Ah, il y a un album complet? Oui, on l'a même ici à la station, on a reçu entre-temps l'album complet. Ouais. Ben, Colin, là, tu viens vraiment me chercher. Ah, là, vraiment, je viens de te scier. Les jambes. Bang. Ben, en tout cas, quelque chose au moins. Il reste pas Mathieu énormément de temps à l'émission. Donc, moi, ce que je suggère qu'on fasse tout de suite, ce serait d'aller écouter la deuxième partie de la capsule, pas de la capsule, mais bon, de l'émission au complet de Vidon la don la question, qu'on a commencé un petit peu plus tôt dans l'émission. On pourrait écouter la deuxième partie tout de suite. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, j'en dirais que t'as vraiment eu une très, très bonne idée de piquer mon idée que je t'avais dit tantôt. Ah, on dirait qu'on en avait parlé avant. C'est bizarre. Ben, c'est tout comme. Dans le cadre de cette émission sur l'horreur, on va maintenant vous parler du triton, aussi appelé Diabolus in Musica, soit le diable dans la musique. Qu'est-ce que c'est le triton? Eh bien, c'est le nom qu'on donne à un intervalle de 3 tons en 2 notes de musique, donc d'où le nom triton. Et ça se trouve à être une quinte diminuée, ou encore si on veut, une quarte augmentée. Oui. Et c'est à la fin du Moyen-Âge que le triton devient un intervalle associé au diable. Hein, il devient donc systématiquement évité par les musiciens. Et malheur au pianiste qui osait faire un triton en jouant du piano dans une église à cette époque. Évidemment, ce genre de situation-là ne se produit plus aujourd'hui. Imagine ça, toi, que le triton serait encore banni de nos jours. Quel genre de situation que ça pourrait donner? Mesdames et messieurs, vous les attendiez, Tricomachine! J'ai sauvé la peau d'un petit ours, mais son cœur, je l'ai pas volé. Mathieu! T'as fait un triton! Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause que c'est mes doigts qui ont glissé. Espèce de maladroit, qu'est-ce que t'as fait, là? Regarde, c'est toujours toi qui cherches la chicane! Mais non, c'est je voulais pas le faire. Regarde, là, tout le monde sont en calvaire après nous! Brûlez-le! Non, c'est lui qui l'a fait, le triton! Brûlez-le, lui! Catherine! Et le spécial horreur du temps des fêtes qui se poursuit en chanson avec Mille Pattes et Marginital. Mille Pattes, c'est le groupe, c'est la chanson. Mille Pattes, c'est le groupe, Marginital, c'est la chanson. Ah! Procurez-vous dès aujourd'hui le tout nouvel album Les grands classiques chantés de l'Halloween, incluant le grand succès Je rêve d'un Halloween noir. Je rêve d'un Halloween noir. Des chansons ancrées dans la réalité moderne de l'Halloween. Envoyez les jeunes, là, venez-vous-en, venez passer l'Halloween avec la vanne. On passe l'Halloween avec une vanne, ça nous tente pas faire ça à pied. On passe l'Halloween avec une vanne, puis on va rester gros. Déjà que vos enfants vont être ben gros sur le nerf à cause du sucre. Nos chansons vont les énerver deux fois plus en leur parlant de petites gogosses qui brillent dans le noir. Cette semaine en spécial 2 pour 1 chez Dollarama. À ce prix-là, dis-toi, c'est made in China. Procurez-vous le disque Les plus grands succès chantés de l'Halloween avec la participation spéciale de Plume la Traverse. Avec mon shotgun, m'en va t'éclater la tronche. Papa, le monsieur y a tué un renne. Linda Lemay aussi est venue faire une apparition sur ce grand classique de l'Halloween. Pendant qu'il y en a qui crèvent de faim, les jeunes ici se plaignent le ventre plein. Il n'y a pas de justice sur la terre, dans plein de pays c'est la misère. Mais une chance qu'une fois par année, l'Halloween vient les sauver. Petite boîte du Nicef, quand tu rapporteras des scènes aux enfants démunis d'Afrique, ça fera beaucoup, beaucoup de fric. Mais on oublie trop souvent que l'argent tombe d'un main des méchants. En Afrique, y a des gouvernements qui investissent à n'importe comment. Les échelons bureaucratiques, les scènes vont traverser avant que les démunis puissent manger. Ma mère a trouvé un meilleur truc pour les aider, leur envoyer nos restants soupers. Petite boîte du... Oh mon dieu, mais ça n'a pas d'allure ce qu'il essaye de nous vendre à la TV, franchement. Pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Ah, non, ouais. J'ai une idée, toi. Arrête. Toi et puis moi, là, on pourrait en sortir un disque, un album cochon de l'Halloween. Hein, c'est ça, la papille, ça, imagine ça, toi. La sorcière avec sa bouilloire et qu'elle a une grosse verrue. La sorcière avec sa bouilloire. T'as pas le goût de la voix tout nu. C'est ça, j'allais dire. Bon, connect. Oh, ben, attends, j'en ai un autre. Vas-y. Oh, Lucifer, roi des ténèbres, j'aime ça quand t'es ben dur. Oh, c'était facile! Oh, la messe de minuit, hostique, c'est dole. Le vieux pédophile en soutane est heureux de voir autant d'enfants dans maison de Dieu. La chorale des grosses matantes chante des cantiques de cave. Les bonhommes cochons tiquent le cul des petits blottes de 16 ans, pis ils bavent. Les flots impatients qui en ont rien à crisser. Pensez qu'au cadeau, pour y gâter. Qu'est ce petit bon de la marde, me semble y'a des volets qui se parlent. Il reste en Afrique, on fait bien vague. pochette. C'est plein de monde partout, ça capote ma raide. Il me reste rien qu'une heure, m'en péter aux frettes. Partout les speakers crash, Bruno Pelletier qui chante Noël. Claude Dubois, Sylvain Cossette, Mario Pelchon, Marie-Michel. Qu'est-ce que je laisse là, y'a toute la gang. J'sortirai mon slingshot et flingue. Les boss sur leur crâne, j'serais plus belle que toutes ces saints boîtes de boules de Noël. Mais je reste blanc et honte de ma caisse. J'fais la file comme eux autres pour passer à la caisse. Que c'est que j'fais là, tout ça est grotesque. Qu'est-ce que j'ferais, une ligne de messe. Wouah! Mais les nerfs, reviens à terre. C'est pas plus grave que ça. Parce que Noël est un jour comme les autres. Pour le tinec, y'a le sida. J'pense à la fille du IGA, j'tombe ma graine puis j'me crosse. Pendant ces quelques secondes au moins, on dirait que j'ai moins mal à la tête. Et que le tabarnak de temps des fêtes et ton père mon du loin. Le gros géant par le rouge tomate, les parlés de famille super plates. Les matantes qui se forcent pour finir leurs assiettes. Puis après les fêtes, se mettent à diète. Garde un peu autour de toi, les fêtes sont atroces. Tout le monde se force pour être souriant, mais on se fait chier à l'os. Et si Noël pour nous autres, c'est l'apothéose de notre insignifiance. On se doit en passant pour le nègre de flic, c'est un autre jour d'indigence. Le petit nègre qui meurt, on s'en tabarnak. On est plein de cadeaux. Alors, c'est déjà tout pour Vidon là-dedans la question cette semaine. Ben oui, un beau spécial horreur. Merci Charles Beauchesne d'être venu. Ça fut un plaisir. Et est-ce qu'on peut, va pouvoir te voir en spectacle éventuellement? Oui, à quelque part, à un moment donné. Je sais pas, peut-être dans un film expressionniste allemand de la fin des années 30 ou sur une gravure du 19e siècle sur bois en train de terroriser des enfants. On va faire le tour des musées pour voir ça. Ça fait plaisir, mon petit copain. Des sorties en famille pour le temps des fêtes, hein? OK, tout le monde, joyeuses fêtes, là. Profitez-en. Ben, on vous aime. C'était l'émission spéciale des fêtes horreur de Noël des gars de Vidon là dans la question. Eux qui font d'habitude des capsules d'humour extrême dans Assemblage Requis à toutes les semaines. Les capsules vont être de retour en janvier, bien évidemment. Nous, on va traire le pis jusqu'à la mort de la vache. Finalement. Oui, jusqu'à... C'est quoi ton expression fétiche pour... Jusqu'à la fin des temps. Exactement. Jusqu'à ad vitam aeternam, ad nauseam et autres expressions latines que je connais pas la signification, donc j'utilise à tort et à travers. Je dirais jusqu'à la fin des pis. Moi. Ah! Ben tant pis. Voilà. Ou ça va de mal en pis. Donc l'émission, justement, parlant de Malampi, tire à sa fin. Ah, Kiwan, c'est pas fin ça de dire ça, par contre. Il reste une dizaine de minutes à l'émission. On va écouter tout de suite. On continue un peu dans la thématique de Noël. Oui, avec un frais d'honneur que tu, tu m'en as parlé souvent. On a écouté un extrait à un moment donné. Ouais, moi, c'est mon classique de Noël. Ça fait déjà quelques années qu'il est sorti cet album-là, Dan Foley. Dan Foley, là, pour ceux qui ne connaissent pas, quand même un personnage assez connu du milieu musical underground montréalais. Il était à la base dans un groupe qui s'appelle QRN, qui a marqué les années 90. Un genre de duo électro-punk trash. Là. C'était assez étrange. Et aujourd'hui, il est gérant de plusieurs artistes, dont entre autres Monsieur Mono. Ah oui? Oui, ou les chiens, je sais pas si vraiment s'il a suivi M. Mono, mais en tout cas, je sais que... M. Mono est dans les chiens. Oui, c'est ça, il est associé aux chiens pas mal, puis quelques autres artistes. Quand même toujours présent, Dan Foley, dans le milieu de la scène musicale montréalaise. Et ce, quelques années, il a fait un bel album qui s'appelle Dan Foley Fredonne Noël. Ça a eu un succès inattendu puis assez important. Ouais. Puis tu vois, on en parle encore aujourd'hui. Moi, ça marque encore mon temps des fêtes. Dan Foley qui nous fredonne de façon si sensuelle et si juste Noël. Ouais, des pièces comme Vive le vent, Glory Alléluia, Passe-moi un sapin, Promenade en traîneau sur son MySpace. Moi, je regarde ça puis ça m'impressionne au bout. Ouais, puis là, tu me disais qu'il a ajouté quelque chose récemment. Oui, parce qu'il y a seulement 34 lectures jusqu'à maintenant, donc c'est tout neuf, c'est tout frais, là. Donc on l'a même pas écouté de nous-mêmes, on va voir qu'est-ce que ça a l'air. Donc c'est un spécial duo. Oui, c'est les grands duos de Noël du Fredonneur. Voici Dan Foley à Assemblage Requis. Mesdames et messieurs, à la demande générale, Le fredonneur is back. Mais cette fois-ci, en duo. Parmi les invités, Barry May, Éric Lapointe, Claude Dubois, Diane Dufresne et Paul Sarrazin. Mesdames et messieurs, mon bon ami Sylvain Cossette. Plume la traverse. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mon prochain invité était prévu plus loin dans la chanson, mais on a décidé de le faire passer devant tout le monde. Mesdames et messieurs, Claude Dubois. Lapointe qui s'en vient, là. Va donc checker s'il reste la .5 dans ce frigidaire. Test 1-2. Mesdames et messieurs, ma bonne amie, Marie-Mée. Mon bon ami, Éric Lapointe. Bon ami et l'ami de tous, Monsieur Michel Louvain. Mon vieil ami, Gilles Vigneault. Diane Dufresne. Monsieur Pierre Lapointe. La grande Michèle Richard. OK, je demanderai au reste de mes invités de s'approcher pour le sprint final. On commence ça avec Guy Lafleur. Na, na, na, na, na. Le maire Labeaume. Na, na, na, na, na. Donald de Lautrec. Na, na, na, na, na. Patos. Bono. Le bonhomme Carnaval. Myriam Bédard. Na, na, na, na. Jacques Villeneuve. La, la, la, la, la. Jésus. La, la, la, la. Astérix. La, la, la, la. Grégory Charles. Céline Dion. La, la, la, la. Tiger Woods. La, la, la, la. Mon voisin d'en face. Le Tiger Woods là-dedans. Et pour finir, la, la, la. Les cloches. Le Tiger Woods. C'est vraiment comme current events, là, ça, là, là, là. C'est actuel. Vraiment, là? Mais quand même, je préfère quand Dan te redonne seul. Comme ça. Comme ça? Tu veux entendre un extrait? Ah, là, tiens, m'avoir, là, vraiment. Ça, c'est promenade en traîneau. C'est de même tout le long pendant 8 minutes, juste pour vous dire. Oh, mais en fait, un album, là, un album complet, là, tu sais, d'une demi-heure où c'est uniquement ça. C'est lui qui te redonne tout seul, comme ça. C'est moins divertissant, je trouve. J'aime mieux les duos. Mais tu sais, là, on a juste ça à faire. Tu focuses vraiment là-dessus. Là. Mais imagine, tu fais un souper de Noël chez vous et tu mets ça comme bruit de fond. Moi, je trouve ça terrible. Vraiment, là. Ouais, terrible. Et le mot approprié, vraiment, là, c'est vraiment, ouais. C'est malade, Kéwan. Donc, je t'invite, Mathieu, pendant le temps des fêtes, à venir souper chez nous. Ça va être Dan Foley en. En bruit de fond. OK, bon, ben finalement, je vais acheter Aquifers, moi, je pense, ce jour-là. Il me semble que j'ai check mon iPhone. C'est, ouais. Bon, c'est clap. Dommage. C'est la fin d'Assemblage requis pour pas mal l'année, finalement, parce que nous, les quotidiennes de C'est fou, on termine aujourd'hui. Le jeudi, comme ça, Fred, de même, on arrête ça là, c'est fini de même. Et oui, ça recommence tout ça le 4 janvier prochain. Oui, on va être de retour lundi le 4 janvier avec plein de bonnes chroniques. Tous nos chroniqueurs, pas mal, sont de retour, donc on va vous tenir au courant de ça en janvier. On va aussi avoir les chroniques technologiques CLX qui vont être de retour, bien évidemment. Oui, même si nous, on arrête là tout de suite, la vie continue assez fou. Il y a quand même des animateurs qui continuent à animer pendant les fêtes, dont entre autres, Lapin Bêche qui s'en vient dans quelques minutes. Aussi, toute la programmation de la soirée avec Mathieu Leblanc-Houle qui va être là avec La Spirale à 18h, mais aussi quelques émissions spéciales pendant les fêtes dont on a parlé un peu plus tôt. Il va y avoir entre autres le 27 septembre au soir, c'est l'émission de performance live du HIC, présenté par le HIC, exactement. C'est dimanche le 27, comme tu disais, en soirée. Allez voir le cif.ca pour vous renseigner sur les émissions spéciales. Elles sont nombreuses, elles sont multiples, elles sont toutes délicieuses. Hein? Ça va être délicieux. Tout ça pendant la période des fêtes. Et puis, on se retrouvera le 4 janvier avec Cénix à 10h et puis Assemblage requis à 15h. Soyez-y. Alors, bon temps des fêtes, Mathieu. Toi aussi. Et j'espère qu'on va se reparler quand même pendant les fêtes. Là. Je ne dirais pas aucun contact du tout pendant 2 semaines. Ça va être difficile pour moi. Je sais pas pour toi. Non, on va trouver un moyen. Donc, joyeux... Moi aussi, bien dire que tu t'ennuieras même pas de moi, Kiwan. Ah, je te déteste tellement. On se quitte avec Silver Starling, un groupe que tu as beaucoup aimé en 2009. Oui, un groupe que j'ai beaucoup aimé, qui ont sorti leur album au mois de septembre et on va écouter la pièce Closer. Et enfin, c'est une libération pour nous deux de ne plus savoir un en face de l'autre. On peut s'en aller. Enfin! Les pains belges suivent à 17h. Et joyeuse fête à tout le monde. Monsieur oui, joyeuse fête. Avec sa canne dans la main, tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qui chante, petit enfant, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Until